Opinion sans phare. Avec aujourd'hui, Wayne Allyn Root. Retour en 1938. Vos papiers, s'il vous plaît. Le producteur de télévision, auteur à succès et manager américain, Wayne Allyn Root, marié, père de 4 enfants, a publié le 9 août 2021 un commentaire dans lequel il se sent transporté en 1938 en raison de l'agenda politique actuel aux États-Unis. Ses pensées et ses sentiments concernant la folie du Covid l'obligent à s'identifier à l'expérience des Juifs en 1938. Dans ce qui suit, CLA TV reproduit sous forme abrégée ce que Root a enregistré par écrit, sa note très personnelle à ce sujet. C'est le commentaire le plus important que j'ai jamais écrit. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes en 1938. Je suis juif. Je comprends un peu maintenant ce que cela a dû être d'être un juif en 1938. C'était l'époque avant l'Holocauste. C'était le temps d'avant le cauchemar, lorsque les fondations ont été posées pour détruire la liberté d'expression, les entreprises et les vies de millions de juifs. Tout ce qui arrive au peuple américain aujourd'hui, avec la Constitution des États-Unis, avec la liberté et surtout avec les Américains non vaccinés, me rappelle 1938. Ce n'est que le début. Ça va devenir bien pire. D'abord, papier. Exigence en matière de vaccination et carte de vaccination comme en 1938, lorsque la Gestapo a exigé des papiers à chaque Allemand. Nous aurons besoin de papier pour entrer dans les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, les concerts, les casinos, les congrès et les hôtels, et pour monter dans un train, un avion ou un bus. Nous aurons besoin de papier pour entrer dans un supermarché, ou bien nous mourrons de faim. Et tout cela pour le crime de ne pas avoir été vacciné contre... Attendez une minute, la grippe ? Tout cela à cause du crime consistant à ne pas vouloir se faire injecter une substance non testée, produite à la hâte, expérimentale et réservée aux urgences. Les Juifs n'ont-ils pas reçu des injections de médicaments expérimentaux de la part du gouvernement nazi dépravé ? N'était-ce pas une partie importante des procès de Nuremberg ? Qu'aucun gouvernement ne devrait plus jamais injecter des seringues expérimentales dans le corps de citoyens non consentants ? N'est-ce pas un droit humain fondamental ? En fait, il ne s'agit pas de vaccins. Il s'agit de la vaccination forcée d'Américains qui ne le veulent pas. Nous sommes en 1938. Mais il y a beaucoup plus de similitudes avec 1938. Masquage obligatoire. Les règlements visent à forcer les individus à perdre leur liberté, leur choix, leur individualité et leurs droits humains. Nous sommes en 1938. Les confinements sont un parallèle au ghetto de Varsovie. Les Juifs étaient enfermés. Les Juifs n'étaient pas autorisés à travailler. Les Juifs n'étaient pas autorisés à voyager. Les entreprises juives ont été jugées non essentielles. Si le gouvernement peut nous obliger à fermer nos entreprises, à détruire nos emplois, à décider qu'il n'est pas vital, alors c'est 1938. Des étoiles sur les vêtements. Ça vient. Les vaccinés entrent dans les restaurants, les bars, les concerts, les supermarchés, les avions et les trains. Ils gardent leur emploi. Le reste d'entre nous est étiqueté, sous-homme, à vie. C'est l'étoile. Nous sommes en 1938. Les médias et les médias sociaux en tant que relations publiques du gouvernement. Cela s'appelle de la propagande. Cela vous rappelle-t-il l'année 1938 ? À l'époque, c'était les livres des Juifs qui étaient brûlés. Aujourd'hui, ce sont les livres des conservateurs, des patriotes et surtout des non-vaccinés. Nous sommes réduits au silence. Nos faits sont qualifiés de trompeurs. Seuls les faits qui sont en accord avec l'agenda du grand gouvernement comptent. Nous sommes en 1938. Intimidation au porte-à-porte et établissement de listes de ceux qui ne sont pas d'accord avec le principe qui dit « Le gouvernement sait tout ». Il y a quelques jours, un ancien fonctionnaire du ministère de la Sécurité intérieure a déclaré que les personnes non vaccinées devraient être placées sur la liste fédérale des personnes interdites de vol. C'est exactement de cette façon que les nazis attaquaient les juifs et les autres personnes qui n'étaient pas d'accord avec leur programme. Il s'agissait toujours de listes. Des listes de personnes qui devaient disparaître au milieu de la nuit. Des listes de personnes qui devaient être envoyées dans des camps de rééducation. Des listes de personnes qui devaient être envoyées dans des camps de concentration. Des listes d'ennemis de l'État. C'est reparti. Peut-être que cette fois, vous ne perdrez que votre emploi ou votre liberté d'expression. C'est l'année 1938 qui recommence. Tout cela est dégoûtant et honteux. Mais je vous préviens, ce n'est que le début. Si nous ne l'arrêtons pas maintenant, si nous ne prenons pas position maintenant,